الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on commence avec un texte écrit par le Cheikh Abu Raihana Salim Al-Ghariani, un des anciens élèves du Cheikh Mohammed bin Hadi Al-Madkhali, أصلحه الله. Et le titre de ce texte, c'est Al-Sheikh Mohammed ibn Hadi wa jinayatu tafriq al-salafiyin, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed ibn Hadi et le crime de la division des salafis, c'est-à-dire le crime d'avoir divisé les salafis. Il commence donc son texte en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. Louange à Allah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa sallallahu wa sallam ala afdalil anbiya'i wal mursalin. أما بعد فإن الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله فرق السلفيين وشتتهم في العالم بسبب أحكامه الظالمة ومجازفاته الآثمة وما تشهده الساحة السلفية في هذه الآونة من تفرق وتجرذم وتباغض بين السلفيين لهو حصاد ما زرعه الشيخ محمد بن هادي من بذور التفرق ونتاج ما اصطنعه من أسباب الاختلاف. ومن المحزن أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، ونسمع ضجيجا ولا نرى دليلا، أيعقل هذا؟ كل هذه الحرب الشعواء على السلفيين وتفريقهم وجرهم في أوحال الفتن وزرع البغضاء والتهاجر بينهم لا مصلحة فيه إلا للشيطان وأوليائه من أعداء الإسلام وأعداء السلفية. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فقد كان طلاب العلم في المدينة النبوية مجتمعين على علمائهم يحضرون دروسهم ويحرصون على مجالسهم، وإن وجد شيء من الاختلاف بينهم في بعض الأمور فهو يسير جدا، إلا أنهم في هذه الفتنة تفرقوا وتهاجروا وتعصب طائفة منهم للشيخ محمد بن هادي تعصبا أعماء، فكالوا لإخوانهم الطعونات صعافقة صعافقة صعافقة، يرددون ما يمليه عليهم الشيخ محمد بن هادي، ولو وزناهم بميزانه المطفف لكانوا أقل من الصعافقة. Donc, le Cheikh, il commence en disant louange à Allah, le Seigneur des mondes, et nulle transgression excepté contre les injustes, et paix et bénédiction sur le meilleur des prophètes et des envoyés. Ensuite, il dit certes, le Cheikh Mohammed ibn Hadi, qu'Allah le réforme, a divisé les salafis dans le monde à cause de ses principes et de ses imprécisions injustes. Et ces derniers temps, la division et la haine entre les salafis, dont la scène salafie est témoin, n'est que le résultat de ce que le Cheikh Mohammed ibn Hadi a semé et créé comme graine de la division à cause des divergences. Et il est triste d'entendre tant de bruit sans voir aucune preuve. Est-ce que cela est logique? Toute cette guerre aveugle contre les salafis, les diviser, les traîner dans la boue des fitanes, des tribulations et des problèmes, semer la haine et le boycott entre eux, n'est de l'intérêt de personne d'autre que le shaitan et ses alliés parmi les ennemis de l'islam et les ennemis de la salafia. Et il a été rapporté selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, anhuma, qu'il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le shaitan a perdu l'espoir d'être adoré par les gens qui font la salat dans la péninsule arabe, mais il sème la discorde entre eux. Les étudiants de sciences, les tullab al-ilm, dans la ville de Médine, al-Madina, étaient réunis autour de leur ulama, ils assistent à leurs cours, ils sont présents à leurs assises. Et s'il y a une quelconque divergence entre eux sur certaines choses, hein, ce sont des choses très légères. Mais dans cette fitna, ils se sont divisés, se sont boycottés les uns les autres, et un groupe d'entre eux ont suivi le Cheikh Mohammed ibn Hadi aveuglément de manière fanatique, et en sont venus même à attaquer leurs frères par toutes sortes d'insultes. Sa'afiqa, sa'afiqa, sa'afiqa. Ils répètent ce que leur dicte le Cheikh Mohammed ibn Hadi. Et si nous pesions, hein, si nous les pesions eux, avec sa propre balance biaisée, eh bien, ils seraient probablement moins que les Sa'afiqa eux-mêmes. Ensuite, Cheikh il dit, ودب هذا الداء من المدينة النبوية التي خرجت منها أنوار النبوة وانطلقت منها الرسالة إلى أقاصي البلاد فأي جناية جناها الشيخ محمد بن هادي على الدعوة وعلى منطلق الرسالة يحاضر من هذا المكان الطاهر إلى عدد من البلدان عبر الهاتف ليفرق فيها بين السلفيين المتحابين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي رضي الله عنه المدينة حرم ما بين عير وثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل الحديث ومن أعظم الأحداث ومن أعظم الإحداث إحداث الفرقة بين السلفيين المتآخين المتحابين في الله قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا يخفى على كثير من السلفيين سعي الشيخ محمد بن هادي في التفريق بين السلفيين إما بالطعن في عدد من الدعاة السلفيين بلا برهان أو التعريض بالعلماء السلفيين وانتقاسهم وكل هذا موجب للفرقة والتنازع لا سيما إذا رافقه التعصب الذميم والولاءات الباطلة وكذلك لا يخفى على السلفيين تحريض الشيخ محمد بن هادي لمن تعصب له في بلاد الجزائر على عدم الاجتماع مع إخوانهم الذين يمدون أيديهم للمصالحة كما في اتصاله بأزهر سنقرأ. Donc on va traduire maintenant cette page. Le cheikh il dit, et donc cette fitna, hein, cette fitna, elle a circulé par la suite et elle s'est propagée au bout du monde à partir de la ville d'Al-Madina, la ville de laquelle est sortie les lumières de la prophétie et le message. Et le cheikh Mohammed ibn Hadi a donc commis un grave crime contre la da'wah et contre le lieu d'où elle a débuté cette da'wah. Et il donne, à partir de cet endroit pur, des conférences à plusieurs pays par téléphone pour diviser entre les salafis qui s'aiment entre eux. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Médine, entre Ir et Thawr, est un sanctuaire sacré. Quiconque y commet un crime ou une innovation, une bid'ah, ou protège un criminel ou un innovateur, aura sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. On n'acceptera de lui ni acte surérogatoire ni obligatoire. Et donc, et parmi les plus grands crimes possibles, il y a le crime de la division entre des frères salafis qui s'aiment en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, tu n'as rien à faire avec eux. Leur affaire revient uniquement à Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également, le cheikh il a cité un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne soyez pas du nombre des mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils possèdent. Il n'échappe pas à beaucoup d'entre les salafis, hein, l'effort de Cheikh Mohammed ibn Hadi dans la division des salafis, hein, soit en insultant ou en critiquant un nombre d'entre les du'at salafiyin sans aucune preuve ni évidence, ou bien les insinuations contre les ulama salafiyin et leur dénigrement, hein. Et donc tout ça, c'est ce qui amène de la division et des disputes et des désaccords, et en particulier lorsque cela est accompagné de fanatisme blâmable et d'alliances totalement fausses. Et le cheikh il dit ensuite, de même que il n'échappe pas aux salafis, hein, l'incitation de Cheikh Mohammed bin Hadi, yani par rapport à ceux qui se sont attachés à lui fanatiquement en Algérie, et qui, dans le fait qu'il a incité les gens là-bas à ne pas se réunir avec leurs frères, ceux qui leur ont tendu la main pour faire une réconciliation et pour se réconcilier avec eux. Et ça, on le voit, hein, par exemple, dans son appel, lorsqu'il a téléphoné à Azhar Sinikra. Et le lien de la conversation qu'il y a eu, justement, entre lui et l'Azhar Sinikra, à ce sujet, est mentionné à la page 3 avec le lien de bas de page, un lien YouTube avec la conversation audio qui est disponible. Et cette conversation, elle a été entendue, hein, par plusieurs, et elle a été enregistrée et retranscrite, et justement le cheikh il a en retranscrit une partie. Il dit: famimma qalahu al-shaykh Muhammad ibn Hadi fi thanaya ittisalihi bi Azhar la tajlisu ma'ahum ay mashayikh al-islah ya shaykh Azhar يلبسون على الناس ويستغلون هذا الجلوس والله يستغلونه ويزدادون تلبيسا به على الناس ها؟ بلغهم أي الشيخ فركوس وجمعة قل لهم لا تجلسوا معهم قالها لكم الشيخ محمد بل جلوسكم معهم إفادة لهم سيستغلونه في زيادة التلبيس على الناس فيضعف موقفكم والله وما هم براجعين وهذا معروف الجلوس مع الطرف الآخر لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن تجلس معه أمام من يلزمه إذا تبين الخطأ وهؤلاء لم يلتزموا هم ولم يقروا على أنفسهم بالخطأ فما النتيجة؟ لا شيء هذا هو أنا ما أرى لكم أن تجلسوا مع هؤلاء أبدا مرة. فهذا الذي أحدثه الشيخ ابن هادي محمد ابن هادي مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فمخالفة الكتاب ظاهرة في طرحه لآيات عديدة تدعو للاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف. وآيات عديدة تحث على التصالح والإصلاح وتنهى عن الإفساد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله ولا تفرقوا يعني أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc le cheikh il cite donc cette parole de la il cite en fait la conversation, hein, la conversation qu'il y a eu, conversation téléphonique entre Cheikh Mohammed bin Hadi lorsqu'il a téléphoné à Azhar Sinikra. Et dans cette conversation, il dit: ne vous assoyez pas avec eux, c'est-à-dire les mashaykhs de l'Islah, c'est-à-dire les mashaykhs de l'Algérie, parmi les mashaykhs de l'Islah. Et il lui dit: ya Cheikh Azhar, ils vont confondre les gens, ils vont profiter de cette assise avec eux, par Allah, ils vont profiter, ils vont utiliser cette assise et ils vont rajouter ou augmenter de confusion, ils vont mélanger les gens avec cette assise. Alors transmets-le aux autres, c'est-à-dire Cheikh Farkos et Cheikh Jumu'ah, Abdul Majid Jumu'ah, et dis-leur de ne pas s'asseoir avec eux. Et c'est celui qui vous le dit, c'est Cheikh Mohammed. Il dit plutôt, même que si vous vous asseyez avec eux, eh bien ça va être profitable pour eux, ça va être quelque chose qu'ils vont utiliser pour augmenter leur confusion, la confusion, et mélanger les gens, confondre les gens. Ils vont confondre les gens et ils vont affaiblir votre position par Allah, et ils ne vont pas revenir de toute façon, en voulant dire ils ne vont pas revenir à la vérité, il le dit deux fois, il dit ils ne vont pas revenir, ils vont pas revenir, et ça c'est connu. Il dit donc de s'asseoir avec l'autre, c'est-à-dire les opposants, ou bien ceux qui sont de l'autre côté de notre opinion, ceux qui nous opposent. Eh bien, ça nécessite deux conditions. Il dit la première condition, c'est que vous devez vous asseoir devant quelqu'un qui va vous imposer. Lorsque, par exemple, on a clarifié l'erreur, vous êtes assis en présence de quelqu'un qui va être capable de vous imposer de rester sur la vérité, et de lorsque vous avez reconnu votre erreur, eh bien que vous devez revenir de cette erreur. Donc il dit ceux-là, ils ne vont pas respecter, ils vont pas suivre la vérité, ils vont pas ils ont pas admis leur erreur déjà à la base. Donc à quoi ça sert? Ils n'ont pas admis leur propre erreur. Alors quel est le résultat dans ce cas-là? Et il dit c'est rien, il y aura aucun résultat. Et donc c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ainsi. Il dit je ne vois pas que vous devriez vous asseoir avec eux, jamais, hein, abadan, ni du tout. Et donc ça c'est la parole de Cheikh Mohammed bin Hadi, et ici ce qu'il dit est en contradiction avec le Coran, la Sunna et le consensus. Et parmi les preuves que ce qu'il dit est en contradiction avec le Coran, mais ça c'est évident et c'est apparent lorsque on regarde les nombreux versets qui incitent au fait de se réunir et qui avertissent contre la division et la divergence. Dans nombreux versets où il y a une incitation à la réconciliation et à la réconciliation et à la réforme, et qui interdisent le désordre et la corruption et le désordre. Et il cite par exemple les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru », Allah dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah comme il mérite, que vous vous préserviez de lui et ne mourrez qu'en étant musulmans, et cramponnez-vous au câble d'Allah, cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas ». Et il cite ensuite l'explication du Cheikh Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah. Et il dit donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Wa la tafarraqu » et ne vous divisez pas, c'est un ordre pour eux de rester avec la jama'a. Et il leur interdit de se diviser, d'être divisé, comme cela a été mentionné dans de nombreux hadiths sur l'interdiction de se diviser. Et l'ordre de rester unis, et de rester ensemble. Et comme cela a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le hadith de Suhail ibn Abi Salih, selon son père, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est satisfait pour vous de trois choses, et il se fâche pour vous pour trois choses. Il est satisfait pour vous du fait que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, vous ne faites pas de shirk en associant quoi que ce soit avec lui, et que vous vous cramponniez au câble d'Allah tous ensemble, et que vous ne vous divisiez pas, et que vous faisiez preuve de sincérité en donnant le bon conseil à ceux à qui Allah a donné le pouvoir sur vous. Et il se fâche pour trois choses. Pour vous, c'est le fait de perdre le temps à des discussions inutiles, qu'il ou qu'elle, de poser trop de questions et de gaspiller l'argent. Et l'imam Ibn Kathir, il dit ensuite, et on nous a la garantie et l'infaillibilité ont été garanties lorsque les musulmans sont unis, donc on nous a garanti l'infaillibilité de tomber dans l'erreur, la protection de tomber dans l'erreur lorsqu'on est unis, comme cela est mentionné dans de nombreux hadiths aussi. Et également, on a craint pour nous la divergence et la division, et cela a été mentionné dans nombreux hadiths aussi. Et il dit que cela est arrivé dans cette umma, c'est-à-dire qu'il y a eu de la division dans cette umma, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné. Il dit que les musulmans se sont divisés en 73 sectes, une secte d'entre elles qui est sauvée et qui va au paradis et qui est sauvée du châtiment de l'enfer. Et il dit ce sont ceux qui suivent ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc ça c'est la fin de la citation de la parole de Ibn Kathir dans son tafsir. Et il dit ensuite wa qala ta'ala wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adabun 'azim. Il dit قال العلامة السعدي رحمه الله في هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم عن بعض. فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها للمسلمين؟ وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ Donc ici le cheikh il mentionne un autre verset dans lequel celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire et ceux-là auront un immense châtiment. Et il cite le tafsir de ce verset par Al-Allama Sa'di rahimahullah et il dit que il y a dans ce verset un avertissement pour les musulmans de ne pas se diviser, de ne pas se séparer en groupes, en sectes, chaque groupe s'attachant fanatiquement à ce qu'il retient ou à ce qu'il a avec lui, que ce soit vrai ou faux, hein, que ça s'attachant fanatiquement à ce qu'il a avec lui de vrai ou de faux, et donc il ressemble en cela aux mushrikin qui se divisent, hein. Et le cheikh il dit que plutôt notre religion est une religion unique, notre messager est un seul messager et notre Dieu, notre divinité est une divinité unique. Celui que nous adorons est unique. Donc la plupart des choses religieuses, des affaires religieuses, on voit qu'il y a un consensus qui a été établi au sujet de la plupart des choses religieuses dans la religion entre les ulama et les imams de la religion. Et la fraternité basée sur la foi que Allah subhanahu wa ta'ala a attachée et a établie, hein, il l'a attachée de la façon la plus solide et la plus forte. Donc comment pourrait-on essayer, hein, d'abolir ou d'annuler, hein, ce nœud qui a été serré, qui a été attaché par Allah subhanahu wa ta'ala entre les croyants, hein, et essayer de bâtir la division et la divergence et la séparation et la scission entre les musulmans sur des questions qui sont subtiles ou bien sur des branches de la religion qui sont des questions de divergence et que chacun traite l'autre d'égaré à cause de celle-ci ou bien chacun cherche à se distinguer de l'autre à cause de celle-ci. Donc, est-ce que cela peut être autre chose que les suggestions du diable, hein, et les ruses du diable qui essaient d'égarer les musulmans? Et est-ce qu'il y a, hein, une chose qui peut être plus en accord avec les objectifs du shaitan, hein, par rapport au tort qu'il cherche à faire, hein, et aux ruses qu'il cherche à faire aux musulmans? Donc il dit, est-ce qu'il y aurait un combat et une lutte dans le sentier d'Allah, un djihad dans le sentier d'Allah, ou une action parmi les actions qui rapprochent à Allah qui serait meilleure hein, que de faire tous les efforts possibles dans le but de réunir la parole des musulmans et de retirer entre eux, hein, tout ce qui pourrait les amener à se diviser et qui serait basé sur un fondement de fausseté. Et le cheikh, il cite ensuite un autre verset, il dit: وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يتوعد الله تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه كل وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية أو لا يكمل به إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال لست منهم في شيء أي لست منهم وليس منك لأنهم خالفوك وعاندوك إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Donc le cheikh il explique, après avoir cité l'autre verset, celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et certes ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à faire avec eux. Et innama amruhum ila Allah, hein, leur affaire n'incombe qu'à Allah, c'est Allah qui va les juger, qui va s'occuper d'eux. Puis il va les informer de ce qu'ils faisaient. Et il cite le tafsir de ce verset dans les paroles de Cheikh Al-Allama Sa'di, Abdurrahman Sa'di. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il menace ceux qui divisent leur religion, c'est-à-dire qui ont séparé et divisé leur religion. Ils se sont divisés dans la religion. Chacun prenant pour lui-même une part des noms qui ne peuvent rien profiter à une personne dans sa religion, comme le judaïsme ou le christianisme ou la religion des Majus, al-Majusiyya, ou bien qui ne complète rien de la foi, ou bien ils prennent de la sharia une part et il en fait la religion tout entière, alors qu'il laisse quelque chose de pareil ou de semblable, ou ce qui est plus important que ce qu'il a pris. Hein? Et ça, c'est la réalité et la situation des gens de la division parmi les gens de la bid'a et de l'égarement, et parmi ceux qui divisent la umma. Et il dit ensuite, et ce noble verset indique que la religion ordonne l'union, hein, et le rassemblement et l'union, et interdit la division et la divergence, hein, entre les gens de la religion. Dans les questions qui ont rapport avec les fondements de la religion ou bien ceux qui découlent de ces fondements-là parmi les différentes branches de la pratique religieuse. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète de se désavouer, hein, et de se désavouer de ceux qui ont divisé leur religion, et il lui dit lesta minhum fi shay, tu n'es pas de en quoi que ce soit, hein, tu n'as rien à voir avec eux. Et c'est-à-dire, tu n'as rien à faire avec eux et eux n'ont rien à faire avec toi non plus. Parce qu'ils t'ont contredit et ils se sont opposés et objectés à toi. Et leur affaire ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala qui va les rétribuer selon leurs œuvres, puis il les informera de ce qu'ils ont fait. Puis il cite, le cheikh cite d'autres versets par la suite, par exemple, وَقَالَ تَعَالَى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وقال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وقال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Donc le cheikh il a cité ensuite d'autres versets qui ont le sens de l'interdiction de la division et l'ordre de rester unis. Et il cite par exemple les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَطِيعُوا اللَّهِ et obéissez à Allah. Il dit ce qui signifie et obéissez à Allah et à son messager et ne divergez pas, sinon vous échouerez et vous perdrez votre force. Votre force sera perdue. Et soyez endurants, certes Allah est avec les endurants. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Voilà en quoi Allah vous enjoint, ou bien voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint pour que vous puissiez atteindre la taqwa, la piété. Et il dit également ce qui signifie, ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et faites des bonnes œuvres. Certes, je suis connaissant de ce que vous faites. Et cette umma qui est la vôtre est une umma unique, une nation unique. Et je suis votre Seigneur, alors préservez-vous de moi. Et ils se sont par la suite donc divisés entre eux, chacun avec des livres différents, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. Et il s'est ensuite un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ils demeureront toujours dans la divergence excepté celui à qui ton Seigneur a fait miséricorde et c'est pour cela qu'il les a créés. Et le verset suivant dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie certes ceux qui ont divergé à propos du livre sont dans un schisme éloigné, une division lointaine. Un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils n'ont divergé à son sujet, c'est-à-dire le livre, excepté ceux qui l'ont reçu après que leur soient parvenues les preuves claires par rivalité entre eux. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et les gens du livre, ceux qui ont reçu le livre ne se sont divisés qu'après que leur soit venue la preuve claire. Et le cheikh il dit ensuite قُلْتُ فَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ يَأْمُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْإِجْتِمَاعِ وَيَحُضُّهُمْ عَلَيْهِ وَيُوجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِيجَابًا مُؤَكَّدًا وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ وَيُنَفِّرُهُمْ مِنْهُ تَنْفِيرًا شَدِيدًا ويضمه ويضم أهله ويضم من يتعاطاه ويبرئ نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم واختلفوا وهذا وعيد شديد منه سبحانه وتعالى نسأل الله أن يلطف بنا ويجعلنا من الذين يجتمعون على الحق ويدعون الناس إلى ذلك. Donc il dit ensuite, et je dis, puis dans ces versets, dans ces nobles versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rester réunis et unis, il les incite à l'unité. Et il leur rend cela obligatoire avec plusieurs ordres et obligations qui viennent confirmer cet ordre. Et il leur interdit la division et la divergence et il leur ordonne de fuir de la divergence de la manière la plus forte et la plus sévère possible. Et il les blâme. Et il blâme également les gens qui se divisent, hein, et qui rentrent dans la division. Et il ordonne même à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se désavouer de ceux qui divisent leur religion et qui divergent dans la religion. Et ça, c'est une menace sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse envers nous preuve de douceur et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui se réunissent sur la vérité et qui invitent les autres à cela. Il dit ensuite, وقد أمر الله عباده تأكيدا لهذا الأصل الأصيل أنه لو وقع بينهم الخلاف أن يهرعوا للصلح والإصلاح وأن لا يتمادوا في الفرقة والاختلاف وذلك في غير ما آية من كتابه العزيز بل حثهم على الصلح في أشد الحالات كالاقتتال وتخالف السيوف قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت ولا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. الشيخ يقول ensuite, et Allah سبحانه وتعالى a ordonné ses serviteurs, ou bien Allah سبحانه وتعالى, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son serviteur avec des confirmations de ce fondement fondamental que si il y avait entre les musulmans une divergence, qu'ils devaient se précipiter vers la réconciliation et l'entente et qu'ils ne devaient pas s'obstiner et continuer dans la division et dans la divergence. Et cela est confirmé et mentionné dans plusieurs versets dans son livre puissant, même qu'il les a incités à la réconciliation et à l'accord dans les situations les plus sévères et les plus difficiles, comme par exemple lorsqu'il y a des combats, hein, et que les gens sont en train de croiser le fer, hein, avec les épées. Donc il mentionne le verset 9 et 10 dans Surat Al-Hujurat, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et si deux groupes d'entre les croyants combattent, alors qu'ils fassent la réconciliation entre les deux. Et si l'un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revienne, hein, s'il revienne et qu'il cesse, alors faites la réconciliation entre eux en toute justice. Et soyez justes, certes Allah aime la justice et aime les justes. Les croyants ne sont que des frères, alors faites la réconciliation entre les frères, hein, entre vos frères, et préservez-vous d'Allah pour que vous puissiez obtenir la miséricorde et pour qu'on vous fasse miséricorde. Il cite ensuite le tafsir ici de l'imam Al-Hafidh ibn Kathir. Et dans ce tafsir, il dit, Al-Hafidh ibn Kathir, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné la réconciliation entre les musulmans qui ont transgressé les uns contre les autres, lorsqu'il dit dans le verset ce qui signifie: et si deux groupes d'entre les musulmans, d'entre les croyants, combattent, alors ils se combattent les uns les autres, alors faites la réconciliation entre les deux. Et donc il les a appelés des croyants malgré qu'ils se combattent les uns les autres. Et donc il dit, c'est ainsi que l'imam al-Bukhari et d'autres également ont utilisé ce verset comme preuve pour dire que un musulman ne sort pas de la foi, hein, un musulman ne sort pas de la foi à cause d'un péché, même si le péché en question est très grand, contrairement à ce que disent les Khawarij et ceux qui les ont suivis parmi les Mu'tazila et leurs semblables, et ainsi que cela a été établi authentiquement dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le hadith rapporté par al-Hassan selon Abi Bakra, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours un jour avec lui alors qu'il était sur le mimbar. Il était sur le mimbar. Il y avait avec lui Al-Hassan, le fils de Ali, hein, donc son petit-fils. Et il dit, il a commencé à regarder les gens. Hein, il regardait Ali, il regardait Al-Hassan, il regardait les gens. Et en parlant, en même temps qu'il parlait, il regardait les gens, il regardait Al-Hassan. Et il disait, en même temps qu'il faisait ça, il dit, mon fils que vous voyez ici, hein, c'est un sayyid, hein, c'est un chef. Et peut-être même que Allah va réconcilier, hein, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va réconcilier par celui-ci deux grands groupes parmi les musulmans. Et il dit, et c'est ainsi que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avéré réalisé. Et Al-Hassan a réellement, plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réconcilié entre les habitants de la Syrie et les habitants de l'Irak après de longues guerres, hein, et des combats entre les gens. Donc le cheikh il dit, wa qawluhu fa in barat ihdahuma. Ibn Kathir il dit ensuite, wa qawluhu fa in barat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, ay hatta tarji'u ila amrillah wa tasma' lil haqq wa tuti'u وتطيعه كما ثبت في الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. Donc il dit à la suite du tafsir, il mentionne la fin du verset ou bien la suite du verset qui dit: et si un groupe transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il revienne au commandement d'Allah, hein, et qu'il écoute la vérité et qu'il lui obéisse, comme cela est rapporté dans le hadith authentique rapporté selon Anas, que le, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: viens en aide ou viens au secours de ton frère, qu'il soit l'injuste ou celui qui subit l'injustice, c'est-à-dire qu'il soit injuste ou qu'il soit l'opprimé ou qu'il soit celui qui est injuste, ou bien qu'il soit l'injuste ou celui qui est opprimé, hein, qui subit l'injustice. Alors quelqu'un a dit, hein, Anas a dit: ô messager d'Allah, yani, celui qui est opprimé, c'est sûr qu'on vient à son secours, hein, ça c'est normal, mais comment je peux lui venir en aide ou venir à son secours alors que il est l'injuste, hein, c'est lui qui fait l'injustice? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: tu viens à son secours en lui interdisant ou en l'empêchant de faire de l'injustice. Hein, voilà comment tu viens au secours de ton frère lorsqu'il fait l'injustice, c'est en l'empêchant de faire de l'injustice. Le cheikh dit: قلت قال بعض أهل المعاني إتيانه بإن الشرطية بدل إذ يشير إلى قلة وقوع هذا من المؤمنين أو نظرته وفيه إشارة أنه لا ينبغي أن يقع بينهم الاختلاف والاقتتال. Hein? Et le cheikh il mentionne ici, il dit que certains parmi les savants des significations et des sens de la religion et de la langue arabe ont mentionné que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans le verset in ash-shartiyya au lieu de id, ça indique que cette chose-là, c'est quelque chose qui arrive très peu parmi les croyants et qui est rare, hein. Et il y a une indication également du fait que cela ne doit pas se produire entre eux et qu'il ne doit pas y avoir de divergence et de bataille ou de combat entre eux. Et il cite également un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَالصُّلْحُ خَيْرُ وَالصُّلْحُ خَيْرُ, c'est-à-dire et l'accord, hein, est bonne, hein, l'accord et la réconciliation, c'est un bien. Et le cheikh, il cite les paroles de l'imam Sa'di dans son tafsir à propos de ce verset-là, lorsqu'il dit, قال العلامة السعدي رحمه الله ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. Donc le cheikh al-Sa'di il explique Et la citation, bon, on va la lire au complet avant de traduire. Il dit وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ نعم وذكر المانع بقوله وأحضرت الأنفس الشح أي جلبت النفوس على الشح فهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده وتستبدلون به ضده وهو السماحة يعني وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله ولا يرضى أن يؤدي ما عليه فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. Donc le cheikh il dit donc dans ce passage là explication du verset والصلح خير, hein, la réconciliation c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui est bien. Et Cheikh Al-Sa'di, il dit, on peut tirer du sens général de ce verset la signification que l'accord et la réconciliation entre des gens qui ont un droit ou bien qui ont une dispute, hein, un désaccord dans toute chose, dans n'importe quelle chose, hein, que c'est mieux que chacun reste, chacun de son côté, à chercher à avoir son droit de son côté. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ça une réconciliation et le fait de demeurer unis et d'être catégorisé ou bien plutôt de posséder la caractéristique du pardon, hein, de savoir excuser les autres et pardonner les autres. Et ça, c'est un bien. Et il dit, le chef, que ça, c'est quelque chose qui est permis, c'est-à-dire la réconciliation et la bonne entente, hein, de faire des ententes avec les gens pour essayer de trouver un accord et une réconciliation, c'est quelque chose qui est permis dans toutes les choses, excepté si cela consiste à rendre halal ce qui est haram ou rendre haram ce qui est halal. Alors dans ce cas-là, c'est pas une réconciliation et c'est pas un accord, plutôt c'est de l'injustice. Le cheikh il dit ensuite, et sache que tout jugement parmi les jugements ne peut être complet, hein, excepté lorsque il y a la présence de ce que cela implique et que les empêchements sont mis de côté et enlevés, hein. Et parmi les exemples de ça, hein, par rapport à ce grand jugement, hein, c'est-à-dire le jugement de la réconciliation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le verset ce qui est impliqué par cette réconciliation là et il a indiqué que c'est un bien. Et le bien, toute personne raisonnable et intelligente le recherche et le désire, hein, le veut. Et donc yani, si c'est ainsi, si Allah subhanahu wa ta'ala en plus de ça, il a ordonné, hein, la réconciliation, il a incité à le faire, eh bien le croyant va faire encore plus d'efforts pour, hein, l'acquérir et l'obtenir pour le faire, hein, et il va le souhaiter encore plus. Et donc il mentionne par contre quelque chose qui peut empêcher les gens à se réconcilier et à chercher des accords, hein, ou à se mettre d'accord entre eux. Et cette chose qui est mentionnée dans le verset, c'est ash-shuh, hein, la cupidité, hein, parce que les âmes ont été créées, hein, ont été créées cupides. Les gens aiment l'avidité et la cupidité. Et donc, ash-shuh en arabe, c'est de ne pas vouloir dépenser ce qui revient, ou de ne pas vouloir donner ou dépenser ce qui revient à la personne. Et le désir ardent de posséder ce qui lui appartient. Et les âmes sont créées ainsi, par nature. Et donc c'est évident qu'il faut dans ce cas-là faire tous les efforts possibles pour yani, retirer ce mauvais comportement, ce comportement qui est bas, hein, de vos âmes, et essayer de le remplacer par son contraire, c'est-à-dire, hein, la tolérance et le fait d'être pardonneur et d'excuser les autres, et de dépenser le bien, hein, qui revient et qui est le droit, hein, qui, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de ton obligation et de ton devoir de donner, hein, tu le donnes, tu le dépenses. Et d'être satisfait de délaisser une partie de ce qui te revient, hein, une partie de ce qui te revient de droit. Donc tu vas donner à la personne à qui le droit revient, tu lui donnes son droit, et tu vas être satisfait parfois également de donner une partie de ce qui te revient de droit pour arriver justement à cette réconciliation. Et à cet accord, hein, à cet accord. Et il dit donc, lorsque l'être humain arrive, hein, à obtenir le succès dans le fait d'adopter ce bon comportement, eh bien, à ce moment-là, il devient facile de faire cette réconciliation entre lui et son opposant, hein, et d'interagir avec lui. Et les moyens et les voies qui amènent à cet objectif-là, eh bien, ils deviennent faciles aussi. Contrairement à celui qui ne s'est pas, disons, forcé, qui n'a pas fait d'effort pour essayer de retirer de son âme cette avidité et cette cupidité. Hein? Alors, pour celui-là, il devient très difficile de faire cette réconciliation et cet accord avec la personne avec qui il a un conflit. Pourquoi? Parce que il ne sera pas satisfait de donner à la personne l'accord, excepté s'il obtient tout son bien, hein, et tout ce qui lui revient en entier, et il n'acceptera pas de donner quoi que ce soit, hein, à son opposant de ce qui lui revient, hein, ou bien de ce qu'il doit donner à son opposant. Et lorsque son opposant est pareil comme lui, hein, il est aussi borné que lui, alors dans ce cas-là, l'affaire devient difficile. Et ça, c'est la fin des paroles de Cheikh Sa'di et de leur signification dans son tafsir de تيسير الكريم الرحمن الشيخ الذي فكيف قلت فكيف بمن يرفض الصلح على الحق إنه لفي خطر عظيم بل كيف بمن يحرض على الفرقة وعدم الصلح فهذا أشد وأشد والله المستعان. Donc il dit le Cheikh, donc que dire maintenant de celui qui refuse l'accord et la réconciliation, hein, à propos de la vérité. Eh bien ça, il dit ça, c'est encore un plus grand danger. Même comment quelqu'un pourrait-il inciter à la division et à ne pas se réconcilier dans une affaire aussi grave? Ça, c'est encore plus grave, hein? Wallahul musta'an. Et le Cheikh, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: قال تعالى ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Il dit وقال العلامة السعدي رحمه الله أو إصلاح بين الناس والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره وما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض بل وفي الأديان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. قال تعالى والصلح خير والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله وكما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده كما قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستثناء ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله وأن يخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر العظيم وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. Donc il cite maintenant le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles secrètes excepté pour celui qui a ordonné une sadaqa, hein, une aumône ou un bien quelconque, quelque chose de bien ou une réconciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en recherchant l'agrément d'Allah, alors nous lui donnerons une grande récompense, une immense récompense. Et Cheikh Al-Allama Al-Sa'di Rahimahullah, il dit ou une réconciliation entre les hommes. Et c'est-à-dire, il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou islahin bayna an-nas, c'est-à-dire ou une réconciliation entre les hommes. Et il dit que la réconciliation dont il s'agit ici, c'est entre deux personnes qui se disputent, hein, qui ont un conflit entre eux. Et il dit, lorsqu'il y a une divergence, une dispute, un conflit, hein, de la colère ou de la haine entre deux personnes, eh bien ça ramène du mal et ça ramène de la division. Hein, et on peut pas, c'est-à-dire on peut pas savoir où ça va s'arrêter cette division-là. Hein, on peut pas limiter les conséquences négatives de ce genre de conflit. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a incité à établir la réconciliation entre les gens dans les questions qui ont rapport avec le sang, c'est-à-dire la vie, hein, ou bien les biens et l'honneur, hein, hein, le sang, les biens et l'honneur. Et il dit même dans les questions qui ont rapport avec les croyances et les religions. Et il mentionne à ce sujet-là les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et accramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si deux groupes d'entre les croyants se combattent les uns les autres, alors faites la réconciliation entre les deux, et si l'un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah, au commandement d'Allah. Hein? Et il mentionne ensuite, et il dit dans le verset, lorsque Allah dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, et la réconciliation, hein, et l'accord, c'est quelque chose de bien, hein? Et il dit, donc celui qui fait l'effort pour qu'il y ait une réconciliation entre les gens, il est meilleur que la personne qui reste longtemps debout en prière, ou qui jeûne, ou qui fait des sadaqat. Il dit, la personne qui fait la réconciliation entre les gens, eh bien c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va faire des efforts pour réformer son œuvre, hein, et ses actions. Et son effort, Allah va le réformer et va lui corriger et l'aider dans ça. Tandis que la personne qui fait des efforts pour corrompre les choses et pour créer du désordre, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'aider à compléter et à établir son objectif et ses œuvres. Et il mentionne la preuve de ça dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et certes Allah ne donne pas le succès aux œuvres de gens qui font le désordre, hein. Et il dit ces choses-là lorsqu'elles se produisent, hein, c'est-à-dire la réconciliation, eh bien c'est un bien. كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْتِثْنَاءِ, c'est-à-dire que ça c'est indiqué par l'exception qui a été mentionnée dans le verset, c'est-à-dire il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles excepté, hein, et il mentionne parmi ces choses, les choses qui sont des exceptions, eh bien le fait de réconcilier entre les hommes. Donc ça prouve que c'est un bien. Et il dit le cheikh, لَكِنَّ كَمَالَ الْأَجْرِ وَتَمَامُهُ بِحَسَبِ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ. Donc il dit toutefois, il faut savoir une chose, c'est que la récompense complète, hein, elle correspond de façon relative à l'intention et à la sincérité de la personne. Donc plus la personne est sincère, plus la personne est pure dans son intention et dans ses actions, eh bien plus la récompense sera grande. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ce qui signifie, et celui qui fait cela en cherchant l'agrément d'Allah, alors nous lui donnerons une récompense immense. Et il dit le cheikh que cela, c'est pour ça que le serviteur doit toujours viser le fait de chercher l'agrément du visage, l'agrément d'Allah et de son visage, et de purifier son œuvre pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul, en tout temps et dans toutes les parties, hein, des parties du bien qu'il fait, dans tous les aspects et les portions du bien qu'il fait, pour pouvoir obtenir cette grande récompense, cette immense récompense. Et pour cela il doit s'habituer lui-même à faire partie de des gens qui sont purs et sincères dans leurs intentions et dans leurs adorations, pour avoir justement la récompense la plus parfaite et la plus complète possible. Il dit, peu importe qu'il réussit à atteindre son objectif ou non, car l'intention, elle est pas reliée au résultat. Parce que l'intention, elle est pas reliée au résultat, c'est-à-dire dans le sens que si la personne, elle avait une bonne intention et que son objectif, il n'a pas réussi à l'accomplir ou à le compléter, mais il aura quand même la récompense, hein, du fait qu'il a eu l'intention, qu'il a fait l'effort, hein. Et donc c'est pour ça qu'il dit سواء تم مقصوده أم لا لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. Donc c'est-à-dire que il aura sa récompense s'il a été sincère, hein, peu importe, yani, peu importe qu'il a complété ce qu'il a voulu ou non. Pourquoi? Parce que l'intention, elle était là, et elle était sincère. Peu importe si elle était reliée ou associée à ce qu'il a pu faire ou non comme action. Et il dit ensuite, قلت ومن يسعى في تفريق المسلمين ويحرض على عدم اجتماعهم فقد شاقهم قلت ومن يسعى في تفريق المسلمين ويحرض على عدم اجتماعهم فقد شاقق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. ولهذا قال تعالى إثر هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. فالإصلاح بين المسلمين والأمر به معروف واتباع لأمر الله ورسوله وسلوك لسبيل المؤمنين والتفريق بين المسلمين والتحريض عليه منكر ومشاقة لله ولرسوله ومفارقة لسبيل المؤمنين والله المستعان. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. Donc ici il dit le Cheikh Abu Rayhana, je dis, et quiconque fait des efforts dans la division des musulmans et qui incite à ce qu'ils ne se réunissent pas, alors il a certes fait scission d'avec Allah et son messager, hein, et il a suivi autre que le chemin des croyants. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, et quiconque fait scission d'avec le messager après que lui soit clarifié la guidance et suit autre que le chemin des croyants, nous ne laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Et la réforme, hein, et la réconciliation entre les musulmans, et le fait d'ordonner la réconciliation entre les musulmans, c'est un bienfait, c'est un bien, hein, et ça correspond à suivre l'ordre d'Allah et de son messager, et c'est une conduite, hein, dans le fait de marcher et de suivre le chemin des croyants. Tandis que la division entre les musulmans et d'inciter à la division, c'est un mal et une opposition, une scission d'avec Allah et son messager, et une séparation par rapport à la voie des croyants. Wallahu al-musta'an. Et il a été rapporté selon Abu Darda radiallahu anhu qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe d'un degré qui est meilleur que celui de jeûner, de faire la salat et de faire l'aumône? Et ils ont dit: certes, au messager d'Allah. Il a dit et c'est la réconciliation entre les gens, la réconciliation entre les gens. Il dit parce que la corruption ou le désordre entre les gens ou entre les personnes, c'est ce qui vient, hein, c'est le rasoir, hein, c'est le rasoir qui rase, c'est la chose qui rase. Et At-Tirmidhi, il mentionne que ce hadith, il est hasan sahih. Puis il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est elle qui rase, c'est-à-dire, il a dit, c'est la corruption entre deux personnes, ou le désordre entre des personnes, et c'est ce qui rase. Et il dit ensuite, et quand je dis que c'est ce qui rase, je ne dis pas qu'elle rase les cheveux ou le poil, mais plutôt elle rase la religion. Donc la discorde entre deux personnes, hein, et le fait de ne pas avoir de d'accord et de réconciliation, c'est ce qui rase la religion. Et il dit ensuite, oui, donc il dit, وقال الترمذي, non, ça on l'a lu, il dit, ومخالفة السنة ظاهرة في تركه العمل بأحاديث كثيرة تحث على هذه على ومخالفة السنة ومخالفة السنة ظاهرة في تركه العمل بأحاديث كثيرة تحث على هذا الأصل العظيم ألا وهو الاجتماع على الحق وعدم الافتراق والاختلاف فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث لأن لا يلتقي فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وفي رواية فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي بدأ بالسلام. Donc on va s'arrêter ici avec cette série de hadiths qu'on a lu, et on peut en traduire quelques-uns de ceux qu'on a lu. Le cheikh, il dit, donc la contradiction de la sunna est apparente dans le fait, dans le délaissement de l'application de nombreux hadiths aussi qui incitent à ce grand fondement, hein, c'est-à-dire le fait de s'unir sur la vérité et de ne pas se diviser, de ne pas diverger. Et il cite le hadith qu'on a lu au début, hein, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, certes Allah est satisfait pour vous de trois choses, que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, et que vous cramponniez au câble d'Allah, vous tous, et que vous ne vous divisiez pas, et que vous donniez le bon conseil à ceux qui ont le commandement sur vous, ceux à qui Allah a donné le commandement sur vous. Ça, c'est le hadith qui a été rapporté, le premier, qui est en fait rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban, pardon, et il est authentifié également par Sheikh Al-Albani dans Bulugh Al-Maram. Et il y a également l'autre hadith qu'on a lu qui est rapporté selon Abi Huraira aussi, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyant, hein, jusqu'à ce que vous croyez. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimez pas. Et voulez-vous que je vous indique une chose par laquelle, si vous la faites, vous vous aimerez les uns les autres? Eh bien, envoyez le salam ou propagez la paix entre vous. Hein? C'est-à-dire le salam et la paix. Donc la salutation et la paix. Et il mentionne d'autres hadiths également. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, comme j'ai dit. Et on continuera la suite, la deuxième partie,